suffisamment dans l'intelligence pour comprendre l'intelligence de l'intelligence. C'est-à-dire l'intelligence, avoir l'intelligence de l'énergie, avoir l'intelligence des lois de l'énergie, avoir l'intelligence des lois vibratoires, avoir l'intelligence des lois de l'énergie qui manipule ses corps et qui crée dans sa vie matérielle des conditions où il vit de la souffrance. Et ce n'est que lorsqu'il a l'intelligence de, l'intelligence qu'il est capable de mettre, de faire un arrêt, de créer un arrêt, d'arrêter le processus interminable du raffinement de l'intelligence de l'homme à cause de la pénétration de l'énergie cosmique dans ses principes extérieurs. Mais il faut qu'il ait l'intelligence de l'intelligence. Autrement dit, être aussi intelligent de la valeur de lui-même qu'il peut l'être. Et pour que l'homme ait une valeur, une intelligence de la valeur de lui-même qui coïncide avec une qualité absolue de l'intelligence, il ne doit pas avoir d'émotion, il ne doit pas avoir d'intellect, il ne doit pas rationaliser les conditions de vie extérieures qui minent le plein emploi de son intelligence, c'est-à-dire l'application de son intelligence dans sa vie matérielle pour se créer un environnement où il peut vivre en paix. L'intelligence ne peut pas être connue et vécue par tout le monde de la même façon, parce que l'intelligence étant une énergie et les hommes étant des récepteurs de cette énergie, tous les hommes n'ont pas la même capacité de recevoir la vibration infinie de cette intelligence, parce que leurs corps ne sont pas ajustés parfaitement à cause de l'évolution. Mais tous les hommes ont la capacité de vibrer à cette intelligence et de réagir à cette intelligence, c'est-à-dire de réagir à cette vibration à un certain moment. Et ce n'est que par la souffrance qu'il en arrive à réagir à cette énergie lorsqu'il commence à réaliser qu'ils se font trop casser les pieds par l'énergie qui a toujours été dans l'homme, mais que l'homme auparavant ne vivait qu'inconsciemment, et que l'homme après commençait à vivre consciemment, et que l'homme demain devra vivre d'une façon intelligente. Et l'homme vit l'énergie de l'intelligence d'une façon intelligente lorsqu'il commence à être lui-même suffisamment intelligent pour voir à travers du jeu, à travers le jeu de l'intelligence, et voir que toute manipulation vibratoire de l'intelligence sur ses principes doit un jour arriver à sa fin. Un jour, l'homme doit cesser d'être un pion. Mais il ne cessera pas d'être un pion parce qu'il désire cesser d'être un pion. Parce que lorsque l'homme ne sera plus un pion, il deviendra un maître. Et ça prend énormément de volonté et d'intelligence dans l'homme pour arrêter le bruit que cause dans lui, dans ses principes, la vibration de l'intelligence. Les hommes sont affamés par deux choses dans la vie. Ils sont affamés par le désir d'être heureux et ils sont affamés par le désir d'être à l'aise avec eux-mêmes. Et ce n'est pas assez pour l'homme. Parce qu'un homme qui est intelligent n'a pas besoin d'être heureux. Et un homme qui est intelligent n'a pas besoin d'être à l'aise avec lui-même parce que déjà, il l'est. Un homme qui est intelligent a besoin d'une chose, a besoin de se servir dans la vie, de ce qui est dans la vie, pour le bénéfice de sa vie. Mais ceci n'est pas une condition de vie qui peut être expliquée sans approfondissement à l'homme, parce que l'homme philosophise et interprète ce qui est dit d'une façon précise et intelligente, et il se donne toujours raison. Nous avons vu dans le passé les conflits entre Albert Camus et Jean-Paul Sartre. Nous avons vu les grandes questions existentielles philosophiques de l'absurde. Nous avons vu les questions qui ont soulevé toutes sortes de questions dans le monde philosophique occidental. Lorsque le philosophe français disait « l'homme étant absurde, la vie étant absurde, tout est permis ». Alors, le comble de l'absurdité remplit toujours le vide de son intelligence. C'est pour ça que les philosophes sont des êtres totalement imperméables. Totalement imperméables à la vie de l'intelligence, bien qu'ils aient suffisamment d'intelligence qui provient de la dégradation de l'intelligence en eux. Les philosophes font dans la matière ce que les spirituels et les maîtres font dans l'éther, astral. Les philosophes servent autant dans la matière que les maîtres spirituels servent dans l'astral. Ils sont aussi prisonniers de l'intelligence. C'est la philosophie de l'intelligence. Un homme n'arrache pas la vie aux forces de vie tant qu'il n'a pas le pouvoir d'arracher aux forces de vie. Et lorsque l'homme a le pouvoir d'arracher aux forces de vie, c'est parce qu'il est dans le pouvoir de la vie. Alors, si l'homme enlève en apparence aux forces de vie, il vole son frère, il vole l'autre. Ce que je parle, ce que j'explique n'est pas existentiel, c'est vital. Quand tu arraches aux forces de vie, tu n'enlèves pas à l'autre. Et quand vous enlevez à l'autre pour vous donner à vous-même, vous êtes un voleur. Vous n'êtes pas intelligent. Vous avez mal compris l'intelligence. Et quand vous arracherez aux forces de vie, vous n'arracherez pas vos frères, vous leur donnerez parce que déjà vous en aurez beaucoup, vous en aurez même trop pour vous-même. Pour faire de confusion. Être intelligent, c'est la chose la plus difficile de l'homme. Il n'y a rien de plus difficile sur la Terre que d'être intelligent. C'est l'épreuve finale de l'homme. C'est ce qui sépare l'homme ancien de l'homme nouveau, être intelligent. Et être intelligent, ça ne se confie pas à aucun homme. Ça fait partie de soi. Il y a entre l'intelligence que l'on croit avoir et l'intelligence est un fossé. L'intelligence que l'on croit avoir est toujours une réflexion spirituelle de notre ego. Un homme ne peut pas se croire intelligent quand il est dans l'intelligence. Un homme ne peut pas se penser intelligent quand il est dans l'intelligence. Parce que dans l'intelligence, il n'y a aucune altération vibratoire de l'intellect et de l'émotion. Alors, un homme qui est dans l'intelligence ne peut pas se voir intelligent, mais il peut se savoir dans l'intelligence. Mais notre mental a été tellement déformé par l'impression qu'il a de lui-même souvent le mental fait des erreurs terribles vis-à-vis l'intelligence par bonne volonté, par ignorance. L'intelligence, ça ne se définit pas. L'intelligence dans l'homme, un homme qui est dans l'intelligence, ne se voit pas. Si vous vous voyez dans votre intelligence, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes simplement dans la réflexion émotive et intellectuelle de cette intelligence. C'est un principe. Et un principe, qu'est-ce que c'est? C'est une condition absolue de vie qui imprime dans les éthers où il descend sa marque. Un principe, ça ne se discute pas. Un principe, ça ne se mesure pas. Ça ne se qualifie pas. Un principe, c'est totalement créatif. Et un principe, quand ça descend dans les éthers, ça fait vibrer tout ce qui n'est pas principe. Je forme d'une façon très subtile dans un sens une école. Mais avant que les gens puissent puiser dans leur intelligence, selon les lignes de force qui sont créées dans cette école, il y a du temps. Et les gens ne doivent pas se laisser piéger par l'idée qu'ils ont de ce qu'ils savent. Parce que l'homme ne sait rien. Moi, je commence à comprendre l'intelligence. Et je suis en fusion depuis 13 années. Je commence. Je commence. Parce que c'est sans fin, l'intelligence. Heureusement que je forme une école dans des conditions ou d'une façon ou par une technique qui n'a jamais été auparavant exploitée, parce que je serais découragé. Parce qu'on comprend mal ce que je veux dire. On interprète ce que je veux dire. Mais ça, c'est normal. Alors, je n'en suis pas affligé. Mais ce n'est pas pour moi l'école, c'est pour l'homme. Dans le fond, ce n'est pas une école. C'est un laboratoire. C'est un laboratoire où l'intelligence dans l'homme se fait de plus en plus sentir au fur et à mesure que son absence d'intelligence disparaît. C'est la création d'un intermental. Il est évident que tous les hommes ont des attitudes. C'est normal. Mais ce qui n'est pas évident aux hommes, c'est que leurs attitudes sont le produit de leurs sentiments. Quel qu'élevé que soit leur sentiment. Il y a des gens dans les années qui viendront qui seront là pour vulgariser ce que je dis aujourd'hui. qui auront la vibration de l'intelligence pour comprendre mon intelligence, pour bien vulgariser ce que je dis, afin que ce que je dis passe les nations, passe les frontières. Mais ce que je dis aujourd'hui ne peut pas être vulgarisé aujourd'hui parce que vous avez le goût de le vulgariser, ou parce que vous avez le goût de faire quelque chose, ou parce que vous avez le goût de vivre de ceci. Il y a un temps pour toute chose. Il faut que vous soyez vous-même certain de votre intelligence pour pouvoir vulgariser les lignes de force que je mets à la disposition de l'homme. Sans ça, vous allez faire des erreurs. Et les erreurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles empêchent l'homme de vous comprendre. Les erreurs que vous ferez par la parole vous empêcheront l'homme de vous comprendre. Il y a une loi dans l'intelligence qui n'est pas connue de l'homme. Et cette loi est celle-ci. C'est que l'homme qui est dans l'intelligence est parfait au niveau où il est parfait de son intelligence. Et cette perfection se sent chez quelque individu que ce soit. S'il y a un individu qui est parfait au niveau de son intelligence, il est parfait au niveau de son intelligence. Et c'est que ce qu'il dit dans ce niveau de perfection-là est aussi important à la pyramide de l'intelligence que l'autre qui parle à un autre niveau de la même perfection d'intelligence. Mais on n'a pas la sensibilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'intelligence pour voir dans l'autre cette perfection de l'intelligence. Parce qu'on a de la difficulté à s'imaginer qu'une autre personne, n'ayant pas la parole, n'ayant pas la personnalité, n'ayant pas le visage, l'apparence, puisse parler avec une perfection qui fait partie de la perfection de l'intelligence. Autrement dit, qui fait partie de cette énergie qui n'est pas affectée par l'intellect et l'émotion. Nous avons des difficultés. On ne peut pas vivre d'intelligence parce qu'on veut ou parce qu'on pense qu'on est capable ou parce qu'on pense qu'on a quelque chose à faire pour le monde. L'intelligence n'appartient pas à l'homme. Quand l'homme va comprendre? Et si elle lui appartient, elle n'est pas parfaite, et si elle n'est pas parfaite, elle n'est pas intelligente. Et elle détruira, elle retardera. Il y aura un feedback automatique. Automatique. L'intelligence ne permettra jamais d'être appauvrie dans le contenu essentiel de ce qu'elle a à véhiculer dans le monde, puisqu'elle n'appartient pas à l'homme. Alors, qui en subit les chocs en retour? C'est l'homme. Ce n'est pas elle. Les hommes ne peuvent pas arrêter la descente de l'intelligence sur la terre. L'émotivité, dans toutes les expériences de vie que nous vivons, l'émotivité est une mesure, est un baromètre de l'intelligence que nous avons en nous, en tant qu'énergie. Là où il y a émotivité, il y a une perte d'énergie d'intelligence. Là où il y a émotivité, ce n'est jamais facile de vivre de l'intelligence. Jusqu'au moment où nous sommes suffisamment ajustés à son énergie. Parce que l'intelligence crée deux hommes lorsqu'elle pénètre dans l'homme. Elle crée l'homme réel et elle crée la réflexion de l'homme réel. Et l'homme est complet. Alors nous faisons face à deux entités en soi-même, une qui sait qui a raison et l'autre qui questionne si elle a raison. Mais ça fait partie de l'acheminement de l'intelligence. Mais un jour, l'homme doit cesser de vivre, de questionner s'il a raison. Mais il cesse de questionner s'il a raison lorsqu'il a parfaitement raison. Et lorsqu'il a parfaitement raison, il n'a plus besoin d'avoir raison. Il est intelligent. Il est dans l'intelligence. Il est natif de l'intelligence. Dans sa vie, il y est. Si il est établi que la vie ne peut pas s'exercer dans l'homme sans qu'il y ait derrière cette vie de l'intelligence, pourquoi l'homme va se questionner sur son mode d'opération, sur sa façon d'agir? S'il agit croche, s'il agit mal, il ne peut pas faire autrement. Avec le temps, il s'ajuste, il devient plus intelligent. Mais s'il se culpabilise, il se questionne, il fait tout ce circuit qui fait partie de la psychologie humaine, coloré, conditionné par la civilisation, la culture, la religion, la spiritualité. Comment voulez-vous que cet homme entre dans l'intelligence lorsqu'il n'ose même pas être capable de vivre sa pénétration dans l'instantané d'une activité quelconque? Ce qui mène à la création des complexes, d'insécurité, la crainte, les ci et le ça, et qui affaiblit constamment la personnalité de l'homme. L'homme a besoin de sa personnalité. Mais il a besoin d'une personnalité qui coïncide avec son intelligence, c'est-à-dire une personnalité qui n'est pas effrayée par le fait qu'elle est constamment imbibée d'émotivité et d'intellect. La personnalité de l'homme doit coïncider avec son identité. Elle doit servir l'intelligence. Elle ne doit pas servir son émotion et son intellect pour qu'il y ait ensuite en lui un flux et un reflux d'émotions et de pensées qui constituent le matériel, le ciment même des complexes de vos personnalités. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas vous comprendre parfaitement aujourd'hui que vous ne pourrez pas demain agir d'une façon consciente. Ce n'est pas important que vous vous compreniez parfaitement aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous comprendre parfaitement aujourd'hui. D'ailleurs, vous ne vous comprendrez pas tant que vous ne serez pas fusionné parfaitement. Mais vous êtes capable d'agir aujourd'hui en fonction d'un perfectionnement chez vous qui vous amène petit à petit à perdre la maudite habitude d'essayer de vous comprendre parfaitement. Arrêtez de vous comprendre parfaitement. Les erreurs de Socrate font écho à la fin du 20e siècle. Connais-toi toi-même. L'homme ne peut pas se connaître par lui-même. C'est impossible. L'homme se réalise. Quand il se réalise, il se sait. Quand il se sait, il agit parfaitement. Quand il agit parfaitement, il sait que tout ce qu'il fait est parfait. À ce moment-là, il peut dire, ce que je fais est parfait. Alors on peut dire de lui qu'il se connaît parfaitement. Mais ce n'est jamais l'homme qui peut dire qu'il se connaît parfaitement, puisque l'homme est infini. Quelle maudite stupidité de caler! qui nous a été imposé depuis des siècles et qui fait partie aujourd'hui de nos attitudes, de nos habitudes. Si je disais moi-même que je me connais parfaitement, je diminuerais mon infinité. Ce serait une diminution du pouvoir de l'intelligence infinie dans l'homme. Et tout le monde cherche à se connaître. Arrêtez donc de chercher de vous connaître. Commencez donc à agir, puis à vivre, puis à faire vos affaires, mais à descendre le bien quand ça sonne dans l'intellect et l'émotion. Vous allez commencer à vous comprendre un petit peu plus. Au lieu de faire de l'overtime, puis de l'overtime. L'homme nous a été enlevé pendant des siècles. Il y a eu une érosion pendant des siècles, surtout depuis la fin de l'Atlantique jusqu'à la fin de la cinquième ère. L'érosion et l'érosion. Et il y a eu des philosophes qui ont vu, qui ont senti, qui ont pressenti cette érosion. Nietzsche, c'en était un. C'est pour ça que lorsqu'il a commencé à concevoir et à voir un peu à travers ceci, qu'il a été forcé de développer le concept de la volonté. La volonté du surhomme. L'homme a vécu et vit d'une façon permanente à l'intérieur d'une matrix qui fonctionne selon des lois de comparaison. L'homme ne peut pas vivre selon des lois de comparaison. Il doit vivre simplement. Il doit vivre selon des lois d'action vibratoire qui font partie de son intelligence et qui cherchent à pénétrer à travers le mental, l'émotion, le vital et le physique pour élever les vibrations de sa personnalité. Pour qu'il en arrive un jour à être conscient, autrement dit intelligent, autrement dit créatif, ainsi de suite. Mais je vous mets en garde contre ce que je dis. Je vous mets en garde contre l'interprétation de ce que je dis, parce que si vous interprétez ce que je dis, vous prenez dans votre mémoire le matériel qui sert à vous confier à vous-même des aspects de mon intelligence à laquelle vous n'avez pas encore accès parce que vous n'êtes pas dans votre intelligence. Et automatiquement, vous faites des erreurs. Vous pensez que vous avez raison lorsqu'en fait, vous n'aurez pas raison. L'intelligence vient à l'homme par le combat entre l'homme et l'énergie en lui. C'est la loi finale de l'intelligence. C'est un combat entre l'homme et l'énergie en lui, l'intelligence. Il n'y a pas d'autre avenue à l'intelligence que ce combat. Ce n'est pas un phénomène d'interprétation. C'est un combat. Et le combat, moi-même, je le vis. Et je vais le vivre jusqu'à 84, le combat. Pour que l'homme en arrive à dompter la vie, il faut qu'il puisse assumer la tâche de vivre ce combat. Et l'homme doit un jour dominer la vie, la dominer parfaitement, en comprenant tous les aspects. Et c'est ce combat. Ce n'est pas l'interprétation de nos actions, par nos dires ou le dire des autres. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui entreront dans les vies. Beaucoup bénéficieront de ce que je dis, mais très peu entreront dans l'intelligence. Les portes sont étroites. Les portes ne sont pas étroites parce que seulement un certain nombre de choses. Ça, c'est de la merde spirituelle. les portes sont étroites parce que les hommes n'ont pas tous la même capacité de combattre. L'homme est violé à tous les instants de sa vie, il est violé. L'homme est une femme qui est violée. Et la femme est un homme qui ne se sait pas. Alors, les deux types de l'espèce humaine sont en défaillance. La femme est un homme qui ne se sait pas, et l'homme est une femme violée. Et l'être humain est constamment appauvri dans son pouvoir de développer en lui de l'intelligence. Pourquoi? À cause de ses émotions et de son intellect. Et ses lois sont frappées. Ce que je vous dis, c'est frappé. C'est absolu ce que je vous dis. Rien ne peut être ajouté à ce que je dis. Aucune intelligence n'oserait aller contre ce que je vous dis. Alors, c'est à l'homme de le réaliser, de le dire. Mais, on n'amène pas le cheval à l'eau, si vous voulez. La pensée est un poison pour l'âme. Et lorsqu'elle n'a pas un poison, il n'en a pas besoin. C'est un poison pour l'homme. Et l'homme le boit comme si c'était un élixir. C'est lui. De la psychologie de l'intelligence. Mais qu'est-ce que je veux dire par la psychologie de l'intelligence? C'est l'intelligence de l'intelligence. C'est l'intelligence de tous les mécanismes de vie qui nous cassent les pieds à tous les niveaux de notre vie matérielle. Parce que la vie matérielle de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui ne vaut pas la peine d'être vécu en fonction de la vie. La vie matérielle de l'homme, c'est une condition de vie qui doit être vécue parfaitement avant la vie. L'homme doit avoir réuni en lui les forces qui lui sont siennes avant de se servir de ses forces pour changer de plan. L'homme ne peut pas entrer dans l'autre plan infirmé. Mais on n'a jamais expliqué à l'homme ce qu'est l'intelligence. On n'a jamais expliqué à l'homme que ses pensées sont anti-intelligentes. Que dans le phénomène de l'intelligence, il n'y a pas de pensée. Il n'y a que de l'énergie. Il n'y en a pas de pensée dans le phénomène de l'intelligence. Dans les circuits universels, si dans la relation cosmique entre l'homme et d'autres intelligences qui sont dans le cosmos, il y a de la communication, c'est une communication qui déjà contribue à rendre à l'homme ce qu'il fut déjà. Non pas à lui expliquer quelque chose. Moi, si je vous parle en œuf et qu'on me parle, on collabore ce que je vous dis. On corrobore ce que je vous dis. On ne m'explique pas ce que je vous dis. Parce que ce que je vous dis est déjà là. Il est déjà parfait. Il est déjà dans l'intelligence. Il n'est pas besoin de corroboration. D'explication. Mais autant l'homme est assoiffé de ses pensées subjectives personnelles, autant il devient assoiffé d'une communication très personnelle, et l'attachement qu'il avait auparavant à ses pensées subjectives, maintenant il les transpose à la communication, et encore une fois, il se fait soin. Mais d'une façon consciente. Pour que l'homme en arrive un jour dans son esprit à en avoir mort des intelligences qui évoluent dans les autres mondes, qui arrivent dans toutes les autres intelligences. Parce que je n'ai pas d'émotion, parce que je n'ai pas de sentiment, parce que j'ai connu le combat, parce que je connais la game, parfaitement la game, pour vous en faire comprendre un petit peu. Mais même les mots qu'on se sert font partie de la guerre. On a un ennemi parmi vous autres qui a risqué d'aller à Saint-Jean-de-Dieu parce qu'il y avait peur de leur parler. Mais quand je vais arrêter de leur parler, il va être dans la merde. Et quand je vais arrêter de leur parler, il risque de rester et d'aller à Saint-Jean-de-Dieu. Tu ne peux pas amener un cheval à boire. Tu peux y indiquer que c'est là. Si c'est grave, tu gagnes. Si c'est suicide, tu suicides. Tu m'en connais. Ça va me faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de volonté. Notre volonté, la volonté de l'homme, c'est son esprit de guerre contre l'affirmation des intelligences contre lui. C'est ça, par là. La volonté de l'homme, c'est l'esprit contre les forces de vie qui veulent le dominer. Quand l'homme aura cette volonté, il aura cette intelligence. Ensuite, il pourra bénéficier dans les terres de l'amour. Qui sera encore sous son contrôle? Pour créer d'autres mondes. Il y a des moyens extrêmement difficiles à entreprendre pour combattre les forces de l'énergie de l'intelligence quand elle se manifeste. Il y en a parmi vous qui vivent le combat entre l'énergie de l'intelligence et leur personne. Je suis les anciens. Et on en arrive tout éventuellement à ce combat-là. Je vais vous demander d'être un petit peu moins brillant. Il y a des moyens pour combattre cette énergie-là. Au début, on n'est pas capable de la combattre parce qu'au début, on est paralysé dans notre volonté. L'énergie de l'intelligence a le pouvoir de paralyser notre volonté. Tant que notre volonté n'a pas été exercer une fois. Quand je dis, quand notre volonté n'a pas été exercée une fois, je dis, c'est tant qu'on n'a pas agi une fois au-delà de la colère de notre esprit. Quand on a commencé, quand l'homme a commencé à exercer la colère de son esprit, il se crée en lui des réserves d'énergie dans le mental, dans l'émotionnel, dans le vital et dans le physique. C'est comme si on se rend. Quand on fait, quand l'homme fait la colère de l'esprit, il va chercher de l'énergie et il se crée des réserves d'énergie. Et au début de cet apprentissage-là, au début, dans les premières colères, on n'a pas suffisamment d'énergie en nous pour neutraliser la vibration ou l'énergie de l'intelligence. Mais quand on a fait un certain nombre de colères, surtout des colères qui manifestaient d'une façon définitive notre volonté, c'est-à-dire notre volonté c'est en harmonique, synchronique avec l'énergie. Quand on fait cette colère-là qui n'est pas de nous autres, là, une colère qui est toute petite, là, qui est toute dans le mental, une colère maudite, là, c'est plus de rien, là, c'est plus de rien, c'est plus rien qui t'arrête, cette sorte de colère-là, là. À ce moment-là, on en arrive à un point où on est capable de neutraliser l'énergie de cette intelligence. C'est ça que je vais parler dans la deuxième question. C'est important de nous autres de comprendre comment neutraliser cette énergie-là. Mais pour pouvoir la neutraliser, il faut qu'on soit, faut pas qu'on ait trop d'ego. Si on a trop d'ego, à ce moment-là, notre ego va nous brouiller la vie. Notre ego va nous donner raison. Et en nous donnant raison, notre ego va faire en sorte que l'énergie se sert de notre personnalité. Ça, c'est, si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave, vous comprenez vous non. Si on a trop de l'ego, quand je parle d'ego, moi, je parle au niveau de l'émotion et de l'intellect. Si on a trop de ça, automatiquement, notre ego va nous donner raison et va nous enlever le pouvoir d'aller chercher dans nos réserves d'énergie qui viennent de l'intelligence et qui se sont bâties graduellement dans son contact avec le mental, l'esprit mental, le physique, etc. Et à ce moment-là, on ne sera pas capable de neutraliser cette énergie de l'intelligence. Et c'est pourquoi qu'on ne sera pas capable de connaître notre volonté. Notre volonté, elle est le produit du remplissage, du développement graduel d'une réserve d'énergie dans nos centres, dans nos chakras. Et éventuellement, cette réserve est suffisante pour qu'un événement nous déclenche dans la colère de notre esprit suffisamment pour aller chercher d'autres énergies. Mais il faut qu'on ait d'abord la réserve. Tu ne peux pas aller chercher d'autres énergies si tu n'as pas d'abord la réserve. Parce que la réserve, elle coïncide avec le fait que déjà votre mental est changé en vibration, votre émotionnel est changé en vibration, votre vital, votre physique. Mais c'est bon, ça fait partie de ton caractère, ça fait partie de ça. Mais toutes ces matières-là, ça se transmet, ça se transmet. Éventuellement, ça te sert au lieu de te desservir. Elle, c'est un autre, elle a une tête de cochon, elle. Elle est différente, la sienne. Elle est toquée. Elle est toquée, mais pas orgueilleuse. Quand t'es toquée, t'es pas orgueilleux, c'est parce que t'as trop de principes. T'es arrivé à un certain âge, là, une femme 40, 45, 50 ans, là. T'as pris des plis. C'est des plis. Mais pas orgueilleux. Tu peux y dire quelque chose, puis elle va le prendre. Grandi. Puis tout le monde a des personnalités différentes.

obtenir le sentiment d'avoir raison. Fait, comment est-ce que voulez-vous qu'il se crée un sport? Moi, j'aime bien mieux un gars qui pense qu'il a raison quand il a pas raison qu'un gars qui est même pas capable d'avoir raison un petit peu. Puis attire de là, votre intelligence. C'est à un certain point, dans cette collusion-là entre la volonté et notre corps astral, qu'on découvre, qu'on sait qu'on est intelligent. Quand je dis qu'on sait qu'on est intelligent, je veux pas dire qu'on sait qu'on est intelligent. Je veux dire qu'on sait qu'on est intelligent de l'intelligent. Il s'agit pas pour nous autres d'être intelligents. Ça va pas de la merde d'être intelligent. Puis la plupart des gens veulent être intelligents pour se connaître eux-mêmes, pour se comprendre eux-mêmes. Ce que l'homme a besoin, c'est être intelligent de l'intelligence. Quand t'es intelligent de l'intelligence, là t'es intelligent. Mais tant que t'es pas intelligent de l'intelligence, t'es pas intelligent. T'as simplement des facultés intuitives, rationnelles, psychologiques, philosophiques, qui t'aident à supporter les conditions existentielles de ta vie. T'es pas intelligent, gros. Un homme qui est pas capable d'assumer dans sa vie personnelle une identité froide, c'est-à-dire une identité qui ne provient pas de l'extérieur de lui-même, de l'extérieur invisible à lui-même ou de l'extérieur matériel à lui-même, n'est pas un homme complet. Il y aura toujours dans cet homme-là un manque d'énergie et automatiquement, ses principes inférieurs qui font de lui un être humain ne seront jamais parfaitement alimentés par l'énergie de cette conscience supérieure. Faites bien attention au livre, à n'importe quel livre. La cosmovénie du Rancia, n'importe quoi, faites attention au livre. Parce que vous savez pas qu'est-ce que c'est l'intelligence de l'intelligence. Fait qu'à ce moment-là, vous vous ferez prendre dans le jeu des intelligences malgré vous-même. Et automatiquement, vous perdrez l'intelligence de votre intelligence, et automatiquement, vous serez obligé de continuer à lire pour vous abreuver de ce que les intelligences vous disent, pour des raisons qui conviennent à leur plan d'évolution, mais pas au vôtre, personnellement. Faites bien attention au livre. Je commence à en parler. Faites bien attention au livre. Les livres ont une fonction qui est bonne. Mais les livres ont une fonction qui est universelle et elle est retardataire. Tous les livres dans le monde sont retardataires, vu du point de vue cosmique. Mais ils sont tous bons et ils sont tous événementiels et ils sont tous évolutifs, vu du point de vue planétaire. Faites bien attention, il y a une différence entre l'homme cosmique et l'homme planétaire. Une maudite, maudite différence. Et les livres sont pour l'homme planétaire, sont pas pour l'homme cosmique. L'homme cosmique n'a pas besoin de lire. Il vous éclaire. L'homme cosmique est instantanément présent sur le plan matériel, il est instantanément présent sur les autres plans. Il est toujours présent. Fait que tu changes de plan, ça ne change rien pour l'anglais. Fait que quand vous lisez des livres, lisez-les, mais lisez-les avec intelligence, c'est-à-dire lisez-les en réalisant que dans les livres, il n'y a pas de réel. Ce sont des projections qui viennent, qui vous sont données par d'autres intelligences et qui conviennent à votre psychologie humaine, à votre psychologie planétaire. Si les mêmes livres étaient donnés à d'autres intelligences sur d'autres planètes, le vocabulaire serait totalement différent. Fait que faites bien attention. Ouvrez vos lumières. Les ajusteurs de pensée ne sont pas ce que vous pensez, puis ne sont pas ce que la cosmogonie du Rancia décrit. Des agisseurs de pensée, ce sont des pensées qui ne font pas partie de la galaxie. Les agisseurs de pensée sont des pensées. Et un jour, vous comprendrez qu'est-ce que c'est une pensée. Aujourd'hui, vous vivez de la pensée. Vous êtes assujetti à la pensée. Vous vous nourrissez de la pensée. Un jour, vous saurez qu'est-ce que c'est de la pensée. Mais vous n'êtes pas prêt à ça encore. Est-ce que vous pensez encore là? Les ajusteurs de pensée sont de la pensée. Il n'y a aucun homme sur la terre qui sait qu'est-ce que c'est de la pensée. C'est terrible de la pensée. De la pensée, c'est terrible. Une pensée, c'est terrible. Et je parle pas des pensées des Rosecroix, des anthroposophistes. Je parle de la pensée. Qu'est-ce que c'est de la pensée? Il n'y a même pas de mots dans le vocabulaire humain pour décrire qu'est-ce que c'est de la pensée. C'est pour ça que l'homme doit détruire un jour la pensée. Et quand l'homme a détruit la pensée, c'est là qu'il vit la fusion avec l'ajusteur de pensée. C'est-à-dire que c'est là qu'il vit la conscience atomique. La fusion avec l'ajusteur de pensée, c'est une conscience atomique qui fait vibrer le corps matériel, le corps vital, le corps émotionnel et le corps mental, et qui transpose sur des plans supérieurs toute la conscience atomique de l'homme pour lui donner dans les terres le pouvoir de son intelligence. Ça va très loin, cette affaire-là. J'ai déjà expliqué que l'humanité est sur la terre parce que les grands frères nécessitaient, avaient besoin d'être réparés. L'homme cosmique, un jour, les parties de ces grands frères-là qui ont créé des humanités doivent être éventuellement réintégrées. Et la réintégration, ça se fait par le rejet dans le temps de tout ce qui est planétaire dans l'âme. C'est terrible une pensée. C'est terrible pour celui qui l'a subi. C'est terrible pour celui qui la comprend pas. C'est terrible pour celui qui en est influencé. Parce que le but de la pensée, dans les états inférieurs de l'évolution, c'est d'assujettir les êtres en évolution pour les amener, par expérience, à connaître les lois de la pensée. Et c'est quand l'homme connaît les lois de la pensée qu'il réalise son intelligence et qu'il connaît les lois de l'intelligence et qu'il connaît les lois de la vie. Et quand l'homme connaît les lois de la vie, il est dans la vie, c'est-à-dire qu'il est immortel. Puis c'est à partir de ce point-là que ça commence le bon gain. Avant ça, il n'y a rien là. C'est la pratique. Watchez-les, vous voulez. L'homme a un cerveau double. Et l'homme doit avoir trois cerveaux pour fonctionner cosmiquement. Pas deux. Un gauche et un droit. Il en a besoin de trois. Puis le troisième n'est pas prêt. Fait que tant que l'homme n'a pas ses trois cerveaux, il ne peut pas comprendre les lois de relation entre l'intelligence, la volonté et l'amour. Parce que l'intelligence, la volonté et l'amour, chaque cerveau coïncide avec un de ces principes-là. Fait que pour que l'homme comprenne l'intelligence, la volonté et l'amour, il faut qu'il soit triunitaire, il faut qu'il soit tricérébral. Pour qu'il soit tricérébral, il faut qu'il commence d'abord à arrêter de penser. Il faut qu'il commence à comprendre les lois de la pensée. Il faut qu'il commence à comprendre la loi de sa relation émotive avec la pensée. Il faut qu'il commence à comprendre la loi de son corps de désir avec l'énergie de la volonté qu'il fait vibrer, qu'il crée sa tension. Cette tension fondamentale que j'appelle la vibration maîtresse. L'homme est encore loin du but. Puis ceux qui se conscientisent, puis qui pensent dans les années 10, 20, 25 ans, 30 ans, d'une génération, deux générations, commencez pas à parler de temps, parce que vous allez voir tout à l'heure que le temps, il est long. Puis je vous le dis, il est long, le temps. Il est pas court. Il est pas court. La seule raison qui vous est donnée des échelles de temps, c'est pour amortir en vous la souffrance et la douleur de votre esprit. Un jour, quand vous serez au-delà de la souffrance et de la douleur de votre esprit, le temps, ça n'aura plus d'importance, de sorte que 200 ans, 500 ans, ça n'aura plus d'importance pour vous autres. Quand ça n'aura plus d'importance pour vous autres, 200 ans, 500 ans, vous commencerez à comprendre qu'est-ce que c'est la vie et les lois de l'esprit. Comment ça s'appelle dans Tintin? Tournesol? Moi, je vous parle, puis tout ce que je vous dis, puis tout ce que je vais vous dire, a seulement une fonction. Vous faire vibrer. Pas d'autre. C'est la seule fonction. Parce que je peux pas arriver à vous autres par l'intellect. Je peux seulement arriver à vous autres par la vibration. Et plus vous allez commencer, plus vous allez être capable de vous asseoir sur vos chaises puis de m'écouter sans m'écouter. M'écouter sans essayer de me comprendre. Plus vous allez commencer à comprendre ce que je veux dire. J'ai pas commencé à parler encore. L'homme découvrira que tout ce qui est au-dessus de lui doit un jour être en dedans de lui. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui le domine, il doit un jour s'en servir. Fait que tant que l'homme est dominé vibratoirement par les forces de ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, il ne peut pas se servir de cette force-là, et il est automatiquement dominé, et il est automatiquement assujetti, et même s'il évolue et qu'il grandit en conscience, il n'en est pas encore dans l'intelligence de l'intelligence. Pour que l'homme rentre dans l'intelligence de l'intelligence, il faut qu'il intègre cette force-là en lui et qu'il s'en serve. Et il ne peut pas s'en servir tant qu'il n'est pas dans la colère de son esprit. La colère de son esprit. Parce que si l'homme n'a pas découvert la colère de son esprit, il n'a pas découvert l'indépendance de son intelligence. Autrement dit, s'il n'a pas découvert l'indépendance de son intelligence, il n'est pas capable, dans son intelligence, à cause de ses émotions et de son intellect, d'affirmer ce qu'il veut. C'est-à-dire d'affirmer ce qu'il peut, c'est-à-dire d'affirmer ce qui peut passer à travers de sa bouche. Et si l'homme n'est pas capable d'affirmer ce qui peut passer à travers de sa bouche, ce qui passe à travers de sa bouche n'est pas à la mesure de lui-même, mais à la mesure de lui-même qui est inférieur à lui-même de demain, et ainsi de suite. Par votre gueule que je vous mesurerai. Parce que l'intelligence universelle contrôle l'intelligence cosmique dans l'homme. Et un jour, l'intelligence universelle ne doit plus contrôler l'intelligence cosmique dans l'homme, et à ce moment-là, l'homme sera cosmique, c'est-à-dire qu'il sera libre d'exécuter sur le plan où il est, dans les éthers où il se retrouvera, les conditions de son désir, c'est-à-dire les conditions de son avenir, c'est-à-dire les conditions que lui feront voir son intelligence, sa conscience atomique à ce moment-là. L'homme n'a plus de boss. Il se servira à ce moment-là de ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Il en bénéficiera de la pensée. Et quand l'homme bénéficiera de la pensée, excusez mon petit pion. Quand l'homme bénéficiera de la pensée, son intelligence cosmique sera parfaite. Et l'intelligence universelle nourrira constamment, sans faille, de façon continue, à toutes les échelles, son intelligence cosmique. L'homme n'a pas besoin d'être universel. Ça existe déjà, l'universel. Mais l'homme a besoin d'être cosmique parce que ça n'existe pas. L'homme a besoin d'être universel. Mais il a besoin d'être cosmique pour pouvoir se servir de l'énergie qui est dans l'intelligence universelle pour créer dans les mondes des civilisations en évolution. Supérieure. Il y aura toujours une différence entre un ajusteur de pensée et un homme. Tout le temps. Tout le temps. C'est normal. Ce qui est en haut peut être dans ce qui est en bas. Mais ce qui est en haut peut pas être ce qui est en bas. C'est deux vibrations différentes. Un homme, c'est un homme, puis les autres, c'est les autres. Alors, il y aura toujours une différence. Mais il y aura une union, c'est la fusion. Parce que l'homme a besoin de tout savoir. Mais il a besoin de savoir ce qu'il a besoin de savoir quand il a besoin de savoir quelque chose pour faire quelque chose. Ça, l'homme a besoin de savoir. Si l'homme est un médecin, il a besoin de savoir qu'est-ce que c'est le corps humain, il faut qu'il sache. Si l'homme veut construire un système de transport, il faut qu'il sache comment ça marche, cette affaire-là. C'est ça que l'homme a besoin de savoir. Puis il le saura dans le temps, il le saura dans l'instantanéité de sa relation avec l'intelligence universelle qui sait tout, parce que c'est de l'énergie. Et là, à ce moment-là, l'homme pourra créer des forces. Parce que l'intelligence cosmique crée des forces. L'intelligence universelle remplit les forces. Quand l'homme comprendra ça, il saura qu'est-ce que c'est l'intelligence. Et si l'intelligence universelle remplit les formes, faut pas que l'homme se fasse remplir par les formes. Et les hommes se font remplir par les formes. C'est quand t'arrêtes de te faire remplir par les formes que tu commences à être dans l'intelligence de l'intelligent. Là, tu commences à fonctionner, une fois pour toutes. Alors, la vibration maîtresse de l'homme, c'est cette vibration qui est le contact, qui est le résultat du contact entre la volonté de cette énergie et son corps astral, et la transmutation que ça crée dans ses principes inférieurs, crée cette intelligence de l'intelligence. L'homme a besoin de cette vibration fondamentale, a besoin de la vivre, cette vibration fondamentale, cette vibration qui est près de lui, qui est caractériel, mais qui n'est pas tempéramental. Fait que si vous fâchez à cause de votre tempérament, ça vaut rien. Mais si vous fâchez à cause de votre caractère, là, c'est quelque chose. La colère de l'esprit, ça vient du caractère de l'homme, ça vient pas du tempérament de l'homme. Il y en a qui ont des tempéraments fougueux, ça vaut rien. Tempérament fougueux. C'est la petite tempête. Un homme peut être très doux et se fâcher caractériellement. On commence à étudier. On commence à étudier. On commence. L'homme doit être capable de parler sans penser. Et jamais subir de feedback quand tu parles. L'homme doit être capable de parler sans penser puis sans subir de feedback quand tu parles. Si l'homme subit du feedback quand tu parles, ce qu'il parle, ça vient pas de l'intelligence de l'intelligence, ça vient simplement de son intelligence. Ça ne mène nulle part. C'est pas aussi facile qu'on pense de parler dans le vide. Parce qu'on a peur de se tromper. Tant que vous allez avoir peur de vous tromper, vous allez être en dehors de votre intelligence, de l'intelligence. Parce que la crainte de se tromper, ça fait partie de l'émotivité dans votre pensée. Ça fait partie de votre mémoire, la crainte de vous tromper, puis votre ego n'est pas capable de le prendre. Fait que vous vibrez. Quand vous serez plus capable d'avoir peur de vous tromper, vous ne vous tromperez plus. Tant que vous allez avoir peur de vous tromper, vous allez vous tromper. Avoir peur de se tromper. Avoir peur de se tromper, c'est une insulte à l'intelligence de l'homme. Qui lui est imposée, puis il est obligé de la subir. parce qu'il n'a pas encore le contrôle. Il n'a pas encore la capacité de parler vibratoirement. Il parle vibratoirement, mais psychologiquement aussi. Toi, tu te trompes. Quand tu parles psychologiquement, tu te trompes. Quand tu parles philosophiquement, tu te trompes. C'est une forme ou autre de se raconter. Aussitôt que tu parles psychologiquement, philosophiquement, métaphysiquement, whatever, tu te trompes. Fait que quand vous parlez, regardez comment vous parlez, vous allez savoir si vous vous trompez. Même si vous dites la vérité. Vous allez tromper pareil. Parce que la vérité, ça n'existe pas. C'est ça qui crée la réflexion dans votre esprit, puis qui diminue votre ego, c'est-à-dire qui enlève à votre ego la clarté de son intelligence, et qui empêche votre ego d'être un chien. Vos égos, c'est tous des toutous. Un chien, ça veut dire centrique. Tu peux être un bon chien, mais un chien pareil. La vibration maîtresse de l'homme, elle se construit. Puis c'est le résultat d'un combat entre l'homme et les forces. C'est un combat. Définitivement un combat. C'est un combat qui est long. Il n'est pas court, il est long. Quand je dis que l'homme n'est pas fait pour vivre sur la Terre, je sais ce que je veux dire, moi. Tant que l'homme est sur la terre, il y a un combat. C'est ce combat-là qui détruit ce qu'on appelle, ou ce que vous appelez, la conscience astrale. Qui détruit le corps de désir. La découverte de cette vibration maîtresse coïncide avec la découverte de nous-mêmes. Fait que ceux qui disent qu'est-ce que c'est, moi, ceux qui cherchent à se connaître, à se comprendre, mais c'est ça. Quand tu es dans cette vibration-là, tu lis ça que tu cherches à comprendre et à connaître. Tu lis ça. Tu peux pas être autre chose que ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose que ça qui te fait vibrer. Il n'y a pas d'autre chose que ça qui te remplit. Il n'y a pas d'autre chose que ça qui te vide. C'est ça. Fait que tu ne cherches plus à te connaître. T'es ça. Tes vibrations-là. C'est ta marque dans ton front qui devient expressive dans ta parole et ton action. C'est ta marque dans ton front. C'est ton niveau de conscience. C'est ton niveau d'intelligence. C'est ta capacité de pénétrer dans l'intelligence de l'intelligence. C'est ta capacité de comprendre les lois de la vie. Parce que les lois de la vie, ça se comprend. Pas intellectuellement. Ça se comprend vibratoirement, les lois de la vie. Puis plus tu comprends les lois de la vie, plus tu comprends les lois de l'intelligence, puis plus tu comprends les lois de l'intelligence, plus tu es intelligent. Plus tu es intelligent, plus tu défies tout ce qui est intelligent. Ça, c'est l'autre point que je vais faire. Tu défies tout ce qui est intelligent. Vous comprendrez un jour que vous serez capable et vous aurez la capacité de détruire et de défier toutes les forces. Fait que tant que vous ne serez pas capable, parce que c'est une capacité, c'est pas un désir, tant que vous ne serez pas capable de mettre la hache dans toutes les formes qui sont dans votre cerveau et qui sont décrites dans les livres de la planète, vous ne serez pas dans l'intelligence de l'intelligence, vous ne serez pas équilibré, vous ne serez pas dans l'équilibre parfait de la transmutation, vous ne serez pas dans la fusion, vous ne serez pas dans la clarté qui provient du fait que l'ajusteur de pensée qui est une pensée, qui est de la pensée, mais à un autre niveau qui est prépersonnel et qui fait partie de votre intelligence. Énergiquement. Tant que vous ne serez pas capable par vous-même, pas par moi, parce que Bernard le dit, mais tant que vous ne serez pas capable par vous-même de voir un mot, de voir une forme, de voir un concept, puis de le détruire, ce concept-là, au fur et à mesure que vous le voyez, vous ne serez pas dans l'intelligence de l'intelligence, parce que dans l'intelligence de l'intelligence, il n'y a pas de mots, il y a un de l'énergie. qui crée des mots pour détruire les phares, pour permettre à l'énergie de continuer, de se canaliser. C'est ça l'intelligence de l'intelligence. Fait que watchez-les quand vous parlez, watchez-les quand vous envoyez des mots, watchez-les quand vous envoyez des mots à juste à repenser, watchez-les quand vous envoyez des mots comme l'âme, puis le bon Dieu, pis la Sainte Vierge, pis Saint-Joseph, pis toute la gang. Watchez-les bien. Parce que c'est ça qui vous emprisonne et qui vous empêche d'être dans l'intelligence, de votre intelligence. Puis tant que vous serez pas, ou tant que vous serez en dehors de ça, vous vous chercherez. L'homme, dans son mental, doit devenir un être absolu. C'est-à-dire qu'il doit en arriver à être absolument sûr. C'est-à-dire qu'il faut qu'il en arrive à absolument pas vibrer émotivement. Être absolu, ça veut dire ne pas vibrer émotivement. Tu peux être absolu sur un plan. Mais pour être absolu, il ne faut pas que tu vibres émotivement. Si tu vibres émotivement, tu n'es pas absolu, tu es relatif. Automatiquement, tu confonds une forme pour un autre, tu empruntes une forme pour un autre, tu interchanges une forme pour un autre, tu te sers des formes pour te donner l'impression d'être intelligent, puis te donner l'impression que tu avances. Tu n'avances pas. Tu te promènes. Pas pareil. Maudite différence entre te promener et avancer. Gardez la vibration du mot promener et avancer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est même important les mots, parce que c'est par les mots que l'homme définit sa raison d'être, c'est par les mots que l'homme comprend sa raison d'être, c'est par les mots que l'homme découvre son pouvoir créateur, c'est par les mots que l'homme manifeste son intelligence. C'est par les mots que l'homme construit son avenir. C'est par les mots que l'homme vit bien son présent. Par les mots. C'est important, les mots. C'est mauditement important, les mots. Mais c'est pas important comme vous autres, vous pensez que c'est important. Parce que la façon que vous pensez que c'est important, c'est pas important pour tout. Mais quand vous comprendrez que c'est pas important pour tout, la façon que vous pensez que c'est, à ce moment-là, vous commencerez à réaliser que c'est important, maudit, les mots. Parce que les mots sont la mesure de l'intelligence de l'espèce raciale planétaire. Les mots sont la mesure de la communication permise par les sites universels sur la Terre. La communication permise, monsieur, par les sites universels sur la Terre. Permise! Comprendre un jour, quand il vous est permis quelque chose, il vous est donné un droit. Puis quand il vous est donné un droit, vous êtes un esclave de ce qu'il donne. Comprenez ça, vous? Le droit. Le droit de parole. On donne le droit de parole. Mais le droit de détruire la parole, il nous est pas donné. Faut qu'on aille le chercher. Et l'homme conscient doit aller chercher le droit de détruire la parole. La force. Ça sent votre pipe. Il va pas vous être donné. Ni par les prêtres, ni par les curés, ni par les gouvernements, ni par les gens ou les entités ou les intelligences des plans invisibles. Il vous sera jamais donné. C'est ça que je vous ai dit. J'ai été le premier à vous mettre au parfum du fait que il existe dans le cosmos la loi du mensonge cosmique. Le droit. Il nous a donné du savon pour se laver la peau qu'on se brûle la pierre. L'homme doit se définir en fonction de lui-même, c'est-à-dire qu'il doit se définir en fonction de sa capacité de réagir aux lois imposées par les circuits universels dans la traduction des codes et des conventions de la réalité imposées à l'homme psychologiquement pour l'évolution de son esprit. L'homme doit détruire ça. Et l'homme le détruira. Parce que je suis le premier homme à le détruire, il y en aura d'autres. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est de l'émotion. On ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'émotion. C'est une atmosphère de l'émotion qui colle à notre esprit. Notre esprit, c'est de la lumière. Mais de l'émotion, c'est de l'atmosphère qui colle à notre esprit. C'est pour ça qu'on ne peut pas servir de notre esprit. C'est pour ça qu'on ne peut pas être dans l'intelligence. C'est pour ça qu'on ne peut pas connaître les lois de la communication entre les hommes et les circuits universels. C'est pour ça qu'on est pogné dans la métaphysique. C'est pour ça qu'on cherche, puis on cherche, puis on cherche à comprendre les lois de l'invisible. Penses-tu qu'un homme a besoin de comprendre les lois de l'invisible pour être bien dans sa peau? Parce que plus un homme va essayer de comprendre les lois de l'invisible, moins il va être bien dans sa peau, parce que plus il va créer en lui de l'émotivité vis-à-vis la grandeur de ces lois-là. Les lois cosmiques, les lois universelles, les lois de la vie, les lois de l'intelligence, ça ne se codifie pas. C'est vibratoire, la vie. L'intelligence, c'est la vie. C'est vibratoire. Ça se codifie pas. Et aussitôt qu'on tombe sous l'illusion, ou l'appétit, ou l'attraction de la codification, à ce moment-là, on est empêché de pouvoir décoder. Décoder dans le sens que je le parle. Je veux dire de redéfinir l'illusion de la forme du mot pour tuer l'importance de l'intelligence dans le mot, pour nous libérer dans l'énergie de l'intelligence, pour que nous autres, on devienne de l'énergie. C'est ça que l'homme doit dire. Simplement de l'énergie. Dans une forme dense, dans une forme moins dense, mais de l'énergie. Qu'est-ce que c'est de l'énergie dans une forme dense ou de l'énergie dans une forme moins dense? C'est le pouvoir de l'intelligence concentré dans l'homme, dans un être, de se déplacer, de changer de niveau à volonté. C'est ça l'énergie. C'est ça l'énergie de l'homme. C'est pas la forme de l'homme qui est un problème. C'est de l'énergie. Mais si l'homme n'a pas la conscience de l'intelligence et le pouvoir de l'intelligence dans sa volonté, c'est-à-dire dans son esprit, il ne pourra jamais changer la forme, il ne pourra jamais changer de plan, il ne pourra jamais se substituer constamment pour en arriver à découvrir tous les aspects de lui-même, c'est-à-dire sa relation directe avec ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée, autrement dit, sa relation directe avec une pensée qui est parfaite et qui est divine, ainsi de suite. Il faut faire attention au mot divin. Au mot divin! J'ai dit au mot divin! Vous avez compris au mot divin, vous autres, hein? Parce que c'est un vin! Maudit! On prend un petit break, un petit café? On continue! On a essayé d'aller plus vite, mais... The plaza. I'll talk to you. Comment ça va? un petit peu. Ok, je continue. L'intelligence intervient dans la vie de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence qui intervient dans la vie de l'homme. Et l'intelligence qui intervient dans la vie de l'homme, c'est une intelligence qui n'est pas parfaite tant que l'homme n'a pas cessé de l'interpréter psychologiquement. Tant que l'homme pense sa vie, pense à sa vie, tant que l'homme pense dans ses actions, l'intelligence qui intervient en lui n'est pas parfaite parce qu'elle est filtrée. C'est-à-dire qu'elle est projetée sur un écran qu'on appelle l'émotion et l'intellect. Et l'homme ne la vit pas énergiquement, il la vit symboliquement. De là, le manque d'intégration entre l'intelligence et l'homme, de là le manque d'intégration entre l'action de l'homme et l'intelligence, et de là le manque de plaisir véritable dans la vie de l'homme, vis-à-vis l'intelligence ou vis-à-vis la vie. Dès que l'homme interprète l'intelligence, il se coupe vibratoirement de l'intelligence et se l'accouple, cette intelligence, psychologiquement. De sorte que l'homme vit sa vie existentiellement, il ne la vit pas créativement. De sorte que l'homme ne peut pas être parfaitement heureux dans l'action, parce qu'il aura toujours la mémoire du symbole projeté sur l'écran émotif et mental, et ceci lui servira toujours de règle de mesure pour confronter la valeur de son action personnelle contre la valeur de son action à l'échelle de la civilisation ou de la culture ou de la nation où il l'exécute. De sorte que l'homme sera toujours prisonnier de la culture ou de la civilisation ou du mode moral de cette culture ou de cette civilisation. L'homme a été tellement habitué à penser ses actions qu'il a perdu la notion de l'intelligence créative de son action. Et automatiquement, il a perdu la notion de l'intelligence dans son action. Et automatiquement, il a perdu le contrôle de son intelligence réelle. Et il s'est donné, il s'est créé en lui une intelligence fictive, une intelligence dominée par son écran émotif et mental, une intelligence qui est dominée par les forces planétaires qui agissent sur les plans inférieurs et une intelligence qui n'a pas le droit de reconnaître la perfection d'elle-même et automatiquement qui force l'individu à renier le pouvoir, c'est-à-dire l'intégration de l'intelligence avec la personnalité, c'est-à-dire l'identité. L'homme est un être qui ne sait pas reconnaître, parce qu'il n'a jamais été donné les outils, qui ne sait pas reconnaître la différence entre l'épuration de sa conscience et la putréfaction de sa conscience. L'homme ne sait pas reconnaître dans sa conscience les éléments qui sont nocifs, parce que sa conscience contient des éléments qui apparaissent être positif ou négatif. Autrement dit, l'homme a une conscience qui est divisée à la base, à son origine, et automatiquement, sa vie, elle est divisée à la base et à son origine. Et c'est pour ça que les hommes cherchent dans le monde, dans toutes les nations, à intégrer leur personnalité. C'est le jeu du siècle, intégrer notre personnalité. Tu vas voir le psychologue, puis il va te dire, mais il faut que tu intègres ta personnalité, mon petit bonhomme. Puis le pire, c'est que la sienne ne l'est pas non plus. Ça fait que le jeu du siècle, c'est d'intégrer nos personnalités, puis quand, tant qu'on n'est pas capable d'intégrer nos personnalités, bon, on cherche à l'intégrer, et automatiquement, on se recherche, et automatiquement, ben là, on va voir des gourous, puis des gouzous, puis des maîtres, puis on va voir toutes sortes de monde qui, eux autres, professent de te donner de la lumière, ou de te donner un onguent quelconque, pour te rapprocher de toi-même. Puis en fait, ça te rapproche de toi-même. Mais le toi-même que ça te rapproche, c'est un toi-même qui est un petit peu plus élevé en vibration que l'ancien toi-même, parce qu'il est moins matériel, mais c'est un toi-même encore qui n'est pas ton vrai toi-même, parce que il est le produit d'une recherche, c'est-à-dire que il est le produit d'un effort au niveau de l'ego de comprendre la nature de soi-même, lorsqu'en fait, l'ego n'a pas à se comprendre, l'ego n'a qu'à se constamment créer par des actions constamment intelligentes, afin de constamment raffiner ses principes qui font ce qu'on appelle, dans leur composition totale, une personnalité, et qui font, dans leur évolution éventuelle, un ego clair, un ego limpide, c'est-à-dire une intelligence qui connaît et qui reconnaît l'intelligence, qui sait reconnaître les lois de l'intelligence, et qui sait s'appliquer ces lois-là afin de vivre sur la Terre parfaitement. Le début de l'homme moronciel sur la Terre, le début de l'homme de lumière sur la Terre, n'est pas aussi loin dans le temps qu'on puisse l'imaginer, mais il est très voilé dans le temps. Pourquoi? Parce que l'homme moronciel ou l'homme de lumière ou l'homme dans lequel l'intelligence brille est un homme qui ne peut bénéficier de sa moroncialité, de sa lumière, que lorsque le temps est venu pour lui d'exposer à la conscience planétaire terrestre les ruines de l'homme ancien, c'est-à-dire la nouvelle civilisation. Tant que le temps ne sera pas venu pour l'homme d'exposer les anciennes ruines, d'exposer les constructions anciennes de l'homme, l'homme moronciel demeurera caché à l'intérieur de l'être humain, et c'est pour ça que l'être humain ne sentira pas qu'il est lumière. Alors, pour qu'il sente qu'il est lumière, il faut qu'il reconnaisse, avant ce temps-là, qu'il reconnaisse en lui son intelligence, parce que l'intelligence, c'est de la lumière, mais qu'il reconnaisse cette intelligence-là, non pas en supportant constamment le fardeau émotif d'une spiritualité lumineuse, mais en supportant le fardeau vibratoire d'une énergie qui lui donne cette lumière, c'est-à-dire l'intelligence.